prise dans sa vision du temps des noces, pas crise d'élus, où conduit les âmes dans sa vie. Prise conduis-moi, prise conduis-moi, garde-moi vite et Christ, conduis-moi, Christ, conduis-moi, garde-moi vite et dans ma main. La parole, Christ, conduis sa foi jusqu'au jour de l'éternité. Christ, par sa foi, conduis les âmes, révélant sa vie à la croix, révélant sa vie aujourd'hui, vision de sa gloire, sa venue. Christ, conduis-moi, Christ, conduis-moi, garde-moi vite et dans ma main. La parole, Christ, conduit sa foi jusqu'au jour de l'éternité. Christ, conduis-moi, Christ, conduis-moi, garde-moi vite et dans ma main. Conduis sa foi jusqu'au jour de l'éternité.